De surprise en surprise, de Clémentine Bachery, lu par Clémentine pour audiocité.net. Elles s'étaient croisées sur les marches du bureau de poste. L'une en sortait, tandis que l'autre y entrait. Elles avaient échangé quelques mots, convenant de se retrouver un peu plus tard dans le salon de thé voisin pour se donner des nouvelles. Sans être amies, elles entretenaient cependant, de loin en loin, une relation cordiale. Elles ne s'étaient pas vues depuis bien des années. Les cheveux avaient grisonné, alors que Cordélia laissait les siens naturels, Mylène les teignait en un acajou qui lui allait bien. Jadis, elles se voyaient de temps en temps pour raisons professionnelles, Cordélia étant amenée à se rendre dans l'établissement où travaillait Mylène. La courte pause déjeuner faisait que l'intervenante se déplaçait avec un repas tiré du sac, s'installait dans un endroit tranquille, puis se rendait au distributeur de boissons afin d'y prendre un café, si l'on peut appeler ainsi cette chose noire qui sortait de la machine et dont le seul mérite était d'être chaude. Un jour, ayant un travail urgent à terminer, Mylène, restée sur place, lui demanda si elle pouvait se joindre à elle pour consommer son propre encas. C'est ainsi que les deux femmes firent plus amplement connaissance, déjeunant désormais ensemble lors des missions de Cordélia. Le temps avait passé, elles s'étaient un peu perdues de vue, jusqu'à ce matin-là, se retrouvant comme si elles s'étaient quittées la veille. Un mot en entraînant un autre, leurs échanges se firent plus personnels. Cordélia et son époux avaient acquis une propriété dans la bourgade, Mylène, depuis peu, un bien dans la même ville. Sans le savoir, elles étaient presque voisines. Cette surprise en entraîna d'autres. Elles avaient notamment en commun d'avoir été harcelées sur leur lieu de travail. Rien de sexuel. Le harcèlement peut revêtir bien des aspects. Plutôt une mise à l'écart, une ostracisation. Pour Mylène, c'était allé jusqu'à, littéralement, une mise au placard. Agent territorial titulaire, elle ne pouvait être simplement renvoyée. Il avait donc été décidé, pourquoi et par qui, mystère, de la pousser à bout pour l'amener à démissionner. Or, maman de 3 enfants qu'elle élevait seule, elle ne pouvait se permettre de perdre son emploi. Elle avait donc tenu bon, supportant ce qu'on lui imposait, non sans chercher ce qu'elle pouvait faire ou ce qui pouvait être fait pour elle. Les syndicats, certes, lui fournirent l'une ou l'autre information, mais sans plus. Elle finit par s'adresser à la nouvelle responsable du personnel qu'elle mit au courant de ce qu'elle subissait, ainsi que des droits, primes, avancements, qui lui étaient refusés. Après bien des efforts, elle obtint satisfaction. Cela n'améliora guère l'ambiance générale, mais au moins certaines de ses compétences furent reconnues et son poste de travail amélioré. Elle ne demandait pas de faveur, simplement ce à quoi elle pouvait à juste titre prétendre. Quelque temps plus tard, elle sortit, troublée, d'un examen médical indispensable avant une intervention chirurgicale. Elle avait bien remarqué qu'elle était la seule de la famille à ne pas avoir les yeux bleus et les cheveux noirs bouclés. Ses baguettes de tambour étaient au beurre, ses yeux marrons cerclés de gris. Lorsque les résultats des analyses lui furent communiqués, elle crut à une erreur, rentra chez elle, ébranlée. Vu la situation, sa mère lui confia la particularité de sa naissance. Il fallut à la jeune femme un grand moment pour intégrer et accepter cette révélation. Elle n'était donc pas la fille de son père officiel, mais finalement riche, si l'on peut dire, de 2 pères, celui qu'elle avait toujours appelé papa et continuait d'appeler ainsi, et son père biologique. Forte des informations transmises par sa mère, elle se mit à la recherche de cet homme. Elle voulait en savoir davantage sur son ascendance. Elle découvrit qu'il était établi quelque part à l'autre bout du pays, dans le sud. C'était un industriel prospère et reconnu, un notable, marié et père de famille, décédé depuis peu. Elle rassembla autant d'éléments qu'elle put, prit son courage à deux mains et se rendit sur place. Initialement, elle voulait seulement savoir d'où elle venait. Nulle idée préconçue lorsqu'elle sonna chez l'un de ses demi-frères. Il fallait oser entreprendre une telle démarche, posséder un certain aplomb, ce dont elle n'était pas dépourvue. Elle avait tellement l'habitude de se battre pour tout. Inutile d'insister sur l'étonnement de ceux qui la reçurent lorsqu'elle se présenta, indiquant qu'elle était leur demi-sœur. Par la suite, les trois frères et leurs épouses évoquèrent la question de l'héritage. Pouvait-elle y prétendre? Le firent-ils par pur altruisme, souci d'équité ou crainte de voir ternir l'image du père si la situation venait à s'ébruiter? L'interrogation demeure. Une loi passée il y a bien longtemps indiquait que les enfants naturels avaient, sous certaines conditions, les mêmes droits que les enfants légitimes. Les vérifications nécessaires prirent un peu de temps, mais révélèrent un résultat positif incontestable. Peu à peu, l'idée fit son chemin dans l'esprit de Mylène. Mais pourquoi pas ? Les frères se mirent donc d'accord pour lui céder, prenant chacun sur sa part, ce qui lui revenait. Des avocats se chargèrent de l'affaire, le tout fut réglé quelques mois plus tard. Ses demi-frères lui demandèrent cependant de les informer, dans la mesure où elle le pouvait, de ce qui s'était passé il y a bien des années. Voici ce qu'elle avait découvert. Il y a des décennies, ses grands-parents paternels étaient employés dans ce que l'on appelait le « château », une sorte de manoir de belle taille assorti d'un domaine conséquent depuis des générations dans la famille du propriétaire. Son grand-père y travaillait comme factotum, sa grand-mère en tant que cuisinière. Logé sur place dans ce qui avait été autrefois la maison du gardien, ils y avaient élevé leurs trois fils. Au fil du temps, le manoir ne servit plus que de maison de vacances à la famille de l'industriel, ainsi que de pied-à-terre pour organiser des rencontres professionnelles occasionnelles, des séminaires. L'un des fils du grand-père en devint le régisseur, son épouse la gouvernante. Tous deux veillaient au bon entretien du vaste domaine et s'assuraient qu'à tout moment ils pouvaient accueillir des visiteurs pour des événements et séjours plus ou moins longs. Une année, l'un des convives dut être hospitalisé en urgence. À sa sortie de l'hôpital, le propriétaire du lieu proposa à son hôte de passer sa convalescence sur place. Il pouvait diriger ses affaires depuis le manoir, sa secrétaire se déplaçant pour lui faire signer les documents nécessaires à la bonne conduite de ses activités. Pour le quotidien, le régisseur et son épouse se chargeraient de l'intendance. Ainsi fut fait. Tout se déroulait au mieux jusqu'au jour où survint une complication nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, d'où une prolongation de la convalescence qui, de quelques jours au départ, se transforma en quelques semaines. Au manoir, les protagonistes firent plus amplement connaissance. Bien plus amplement. Rétabli, l'hôte prit congé et la vie de chacun poursuivit son cours, si ce n'est que la gouvernante constata qu'elle était enceinte. Elle raconta tout à son époux. L'ambiance fut lourde quelques mois, mais à la naissance de l'enfant, une fille, alors qu'ils avaient déjà trois garçons, tout changea. le régisseur s'enticha complètement de sa petite Mylène. Dans un foyer simple mais aimant, l'enfance de la fillette fut agréable. Elle se maria, le couple eut 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Des années plus tard, après avoir vu le film « Beignet de tomates vertes », non, ce n'est pas un documentaire culinaire, dans lequel une épouse tentait de mettre un peu de fantaisie, de piquant dans la vie de son couple, Mylène déclara à son mari qu'elle souhaitait ajouter un peu de magie à leur quotidien. Elle fut exaucée, si l'on peut dire, au-delà de toute espérance. Son mari simplement disparut, se volatilisa. Ce n'est qu'ultérieurement, après le divorce, qu'elle parvint à en parler avec un peu, mais très peu, d'humour. Elle resta donc seule pour élever les enfants jusqu'à ce qu'ils quittent le nid. Avec cet héritage inattendu, elle qui avait toujours vécu sa vie d'adulte en habitat social, acquit une agréable petite propriété pour elle, son compagnon Eustache et leur chien Archimède, un magnifique eurasier à la robe sable. Son autre famille, si l'on peut dire, et elle ne restèrent pas en contact. À l'issue de tous ces épisodes, elle écrivit une courtoise lettre de remerciement destinée à l'ensemble de la famille. Les avocats lui transmirent une réponse tout aussi courtoise dans laquelle on l'informait clairement que, n'ayant rien de plus en commun, leur chemin se séparait là. Mylène l'admit volontiers. Retraités depuis quelques années, Eustache et elle s'investissent dans le monde associatif, s'offrent une vie paisible et plaisante. Que demander de plus? Ils ont chacun eu leur lot de hauts et de bas. Profiter de ce qu'ils ont et l'apprécier à sa juste valeur leur suffit amplement. Un souhait? Que cela dure le plus longtemps possible. Ici se termine, de surprise en surprise.